Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale, votre après-match pour le 22 septembre 2018. L'Impact affrontait le New York City FC ce soir au Stade Saputo. Verdict nul de 1-1 pour les hommes en bleu contre les autres hommes en bleu. Un petit peu plus pâle, mais les hommes en bleu tout de même. Bienvenue, mon nom est Kevin Laramie et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @sur_transversal ou mon compte personnel @KevLaramie. Un point quand même important ce soir pour l'Impact de Montréal dans cette course aux séries éliminatoires pour la saison 2018. Comme nous allons entendre un petit peu plus tard dans cette émission, les commentaires de Rémi Garde qui va nous parler de ses analyses de match, évidemment. Mais qui va nous mentionner aussi que si en début de saison, ils avaient accumulé 1, 2, même 3 points de plus, ils pourraient respirer un petit peu plus aisément présentement. Mais un point qui pourrait s'avérer assez important pour l'Impact de Montréal, nous allons regarder le classement plus tard dans l'émission et voir avec les matchs restants de l'Impact, il reste 4 matchs après celui de ce soir, voir les opposants directs. On a un match contre DC United qui s'en vient la semaine prochaine, Columbus aussi. Prochain match au Stade Saputo. Deux matchs très importants pour les séries éliminatoires pour cette course qui est, je vous l'avoue, assez effrénée dans l'Association de l'Est entre seulement quelques clubs, oui. Pour commencer, si l'Impact avait fait victoire ce soir, ils auraient éliminé officieusement, même officiellement, le Toronto FC des séries éliminatoires, mais ce sera pour une autre fois l'Impact de Montréal qui a dû se contenter de un point. Même si l'Impact a marqué deux fois, malheureusement, il a marqué une fois contre son camp, Rudy Camacho à la 17e minute, dans un moment de panique, dans une glissade de dernière instance pour bloquer un tir, a fait dévier le ballon derrière Evan Bush et c'est 1-0 pour New York. Comme ce fut le cas contre Philadelphie, l'Impact revient de l'arrière seulement quelques minutes plus tard, 10 minutes pour être plus précis, à la 27e minute, Michael Azira marque son premier but depuis son arrivée avec l'Impact, son premier but en MLS depuis plusieurs années et son premier but depuis l'année dernière lorsqu'il avait marqué durant la US Open Cup, qui est la Coupe nationale des États-Unis, lorsqu'il jouait pour Colorado. Donc un but chanceux d'une certaine manière pour Azira car le ballon a dévié et a rentré derrière Sean Johnson, le gardien du New York City FC. Mais la construction de ce but était tout autre chose que chanceuse. Quel jeu de passe 1-2 entre Azira, Piatti, retour à Azira. Azira se démarque, tire, un peu dévié et c'est 1-1. Lorsqu'on a parlé à Michael Azira après le match, que vous allez pouvoir entendre plus tard dans l'émission en anglais malheureusement, aucun joueur était disponible ce soir en français. Donc vous allez entendre les commentaires en français de Rémi Garde, suivi des commentaires anglophones de Daniel Lovitz, Quincy Amariqua et Michael Azira. Je ferai de mon mieux pour vous traduire les moments importants de leurs commentaires. Mais Michael mentionnait que Rémi Garde a mentionné durant cette semaine de pratique qu'il désire avoir plus de 1-2. Plus de jeux de passe très rapides, monter vers l'avant des 1-2 comme on a vu sur le but de Michael Azira. Quelques statistiques que je veux vous parler de ce match. Premièrement, ce match était une bataille de milieu de terrain. Et oui, il n'y a pas vraiment eu de gagnant, c'est 1-1. Mais je dois vous parler de la grande performance de Samuel Piet. Oui, on n'est pas surpris. Samuel Piet, le joueur avec le plus grand nombre de tacles ce soir pour l'Impact de Montréal. 5 tacles. Il n'y a pas de statistiques pour le nombre de ballons interceptés et le nombre de récupérations qu'un Azira et qu'un Samuel Piet ont pu faire ce soir. Mais gros travail de Azira, Samuel Piet et Saphir Tader. Et je mentionnais à Michael Azira après match aussi. Michael, votre pressing ce soir, ce qu'on appelle le pressing, c'est la pression que le joueur défensif ou que le joueur qui n'a pas le ballon, que l'équipe qui n'a pas la possession du ballon, exerce sur le porteur de ballon. Donc, le nombre d'espace donné, surtout le manque d'espace donné, le joueur directement sur le porteur de ballon, qui lui force à faire un mouvement, qui lui force à faire une transition, une passe peut-être un petit peu plus rapidement qu'il l'aurait voulu. Et ce pressing de l'Impact ce soir était beaucoup plus marqué, était beaucoup plus rapide et c'était assez visible à l'œil nu qu'il y avait une directive pour les milieux de terrain d'effectuer ce pressing un petit peu plus haut, comme on dirait en termes de soccer. Et nous avons eu la réponse de Michael Azira. Oui, exactement. Piet, Azira et Tider, on parlait avec l'entraîneur plus tôt cette semaine, et ils avaient comme directive de, oui, évidemment, d'essayer de museler les chances de marquer, les chances de tir, surtout pour le NYCFC. Et c'est ce qui explique un petit peu plus ce pressing haut qu'il avait pour le milieu de terrain de l'Impact ce soir. NYCFC, avant le match de ce soir, avait 56 tirs au but lors de leurs deux derniers matchs. Un nombre incroyable, et je dirais ce nombre était surtout un peu augmenté à cause des résultats récents du NYCFC, qui avant le match ce soir n'avait pas gagné en 5 matchs. Maintenant, 6 matchs sans victoire pour NYCFC. Donc, leur nombre de tirs au but est un peu biaisé, oui, mais c'est pour augmenter leur probabilité de marquer. Et c'est une équipe qui veut marquer des buts pour pouvoir s'assurer d'une place en séries éliminatoires et surtout s'assurer d'un match à la maison. Présentement 3e dans le classement de l'Association de l'Est. Avec une victoire ce soir, ils se seraient assurés d'une place en série et probablement aussi d'un match à la maison. Et on sait que pour le NYCFC, un match à la maison veut dire jouer sur un terrain de tennis, pour être bien précis. Un grand terrain de futsal, un très petit terrain de football. On sait très bien que le terrain au Yankee Stadium est le plus petit de la ligue. Et quand je dis le plus petit, pas juste par un petit peu, comme on pourrait dire, mais par beaucoup. Et c'est un avantage du terrain marqué. L'avantage à la maison pour NYCFC. Et avec une victoire, ils auraient pris un pas de plus vers ce match à la maison. De manière que les choses vont, si l'Impact termine 6e dans l'Association de l'Est, bien, c'est NYCFC qu'ils retrouveront en première ronde des séries éliminatoires au Yankee Stadium. Donc, un match qui pourrait se retrouver très, très, très difficile, pour être bien honnête. Un endroit que l'Impact n'a jamais vraiment connu beaucoup de succès au Yankee Stadium. Donc, ce match, cette bataille de milieu de terrain, qui était un verdict nul dans cette bataille de milieu de terrain, je dois également vous parler de la performance de Azira, de Tider aussi. Saphir Tider est le joueur pour l'Impact de Montréal qui a créé le plus grand nombre de chances. 3 chances créées pour Saphir Tider. Évidemment, Nacho Piatti était le joueur le plus dangereux. Avec Ali Silva, Alejandro Silva, qui est la bougie d'allumage depuis quelques semaines pour l'Impact de Montréal et qui a créé beaucoup de remous pour la défensive new-yorkaise ce soir aussi. Mais je dois attirer votre attention sur le manque de précision ce soir de Nacho Piatti. Oui, Nacho a créé le but de Michael Azira. Belle touche, 1-2, le but et tout. Mais Nacho, ce soir, 5 tirs au but, seulement un tir cadré, seulement une chance créée, seulement 46 touches de ballon, 17 passes, 70,6% de réussite de passe pour Nacho. Ce n'est pas assez. Nacho manquait en quelque peu de précision ce soir lors de belles passes. On a vu à quelques reprises des passes à ras-le-terrain, je pourrais vous dire, qui a traversé le terrain, des passes que il y a quelques semaines ou du match contre Philadelphie, qui réussissait à connecter, surtout à un Silva qui s'en venait seul. Ce soir, la défensive new-yorkaise était capable d'intercepter ses passes avant qu'ils atteignent leur destinataire. Donc, avec un petit peu plus de précision, l'Impact aurait eu plus de chances de marquer et aurait pu se sauver avec la victoire ce soir. Pour la touche des joueurs, les deux joueurs de l'Impact qui ont le plus de touches de ballon ce soir, qui ont touché le Kevlar le plus souvent, on parle de Daniel Lovitz avec 75 et de Bakary Sagna avec 82. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça vous dit aussi? Bien, ça passe par les flancs. Les flancs, c'est quoi ça les flancs? Ben les flancs, là, c'est les côtés. Et on a Bakary Sagna, Lovitz, Silva et Piatti sur les flancs. Et depuis quelques victoires, oui, la victoire contre le Red Bull de New York et la victoire contre Philadelphie, les grands moments offensifs de l'Impact passent par les flancs. On doit quand même remarquer la performance de Matarita pour New York qui a bien réussi à contrôler les avances de Montréal sur les flancs. Mais Sagna et Lovitz, deux des joueurs les plus importants pour l'Impact de Montréal présentement. Lovitz qui est un des joueurs les plus importants cette année, je vais vous dire, pour l'Impact, même si des fois on trouve qu'il prend... Il y a une certaine hargne lorsqu'il a le ballon, lorsqu'il décide de courir vers l'avant. Et hargne, c'était pas le bon mot. Un abandon, je dirais, est peut-être le meilleur mot. Lorsqu'il part à l'avant, il regarde pas en arrière. C'est tous devant, trouvons le moyen de trouver l'homme qui est libre. Et le nombre de touches de ballon de ces deux hommes vous montre cette tactique de l'Impact qui est le plus dangereux lorsqu'ils réussissent à faire des percées offensives sur les côtés, près des lignes de touche. Je vous parlais des nombres de chances des chances créées par Saphir Taider. Il y a aussi Ali Silva qui a 3 chances de marquer qui a été créée ce soir par Ali Silva. Ali Silva qui se retrouve, comme je disais, la bougie d'allumage. Et lorsque l'option Amariquois / Mancosu ne marche pas, comme ce soir, lorsque ces deux joueurs sont un peu isolés, et on parle ici d'une isolation qui est programmée par New York, on parle d'un gros travail de Maxi Morales et de Ring, Alex Ring, au milieu de terrain pour New York, qui ont réussi à isoler l'attaquant ou les attaquants pour Montréal, autant Amariquois que Mancosu. On parlera de Mancosu un petit peu plus tard. C'est jamais simple et c'est jamais propre avec Matteo Mancosu en 2018. On y revient dans quelques instants. On parlait de la touche de ballon. Une autre preuve que le milieu de terrain de New York a fait un beau travail pour isoler les attaquants de Montréal. Amariquois, seulement 16 touches de ballon durant ce match. Beaucoup plus de difficultés en récupération, beaucoup plus de difficultés en maintien de possession du ballon. Dos au jeu, oui, extrêmement bien fait dos au jeu les derniers matchs. Il y a à peine eu d'occasion de pouvoir effectuer ce rôle ce soir à cause du très beau jeu défensif de New York. On parle aussi d'une grande performance de Callens et de Chano dans la charnière centrale pour New York qui ont réussi à trouver les bons moments et les bons moyens pour suffoquer le service à Amariquois et à Mancosu. On parlait d'un manque de précision. 40% des passes de Matteo Mancosu ont été réussies ce soir. 40%. Ça, là, vous coulez à l'école avec ça. C'est pas bon. L'école est recommencée, là. Tous les étudiants qui nous écoutent, là, 40%, là, non. C'est non. Mon gars vient me voir avec un 40%, là, ben, c'est 400 push-ups, là. OK, 40. Peut-être 4 pour commencer, mais on va voir où ce qui va se rendre. Mais je dois vous le dire, c'est une statistique qui saute aux yeux. Il a joué 16 minutes. Il a fait 5 passes. Donc, si 5 passes réussies égale à 40%, là, ben, il a manqué une dizaine de passes. Là. C'est incroyable. Dans un moment important du match où Matteo Mancosu doit rentrer sur le terrain, changer la donne, apporter une énergie, être capable de créer des chances de marquer et il a passé proche d'en créer 2. Mais un manque de première touche réaliste, un manque de chance peut-être, mais un manque de positionnement, de rythme, de confiance, un manque de talent. Il est rendu où le talent? Il est où le talent qui était là l'année passée? Il était parti prendre une marche puis l'oublier. Je ne sais pas. Mais 40% des passes réussies pour Matteo Mancosu, c'est inacceptable. Et c'est ce qui fait descendre la moyenne totale de passes réussies pour l'Impact. Même si un Rudy Camacho, 90,6% de ses passes complétées, Samuel Piette, 90,2%. On parle d'une réussite de passes totale pour Montréal ce soir de 76,3%, ce qui n'est pas assez. Total de 380 passes, quand même assez égal, 186-194 pour les deux demi, total de 380. Lorsqu'on compare avec le nombre de passes réussies pour New York, on voit qu'il y a une grande disparité entre les deux. Oui, la possession du match, la possession de ballon lors de ce match, explique le nombre de passes réussies aussi pour New York. New York a terminé le match avec 60,9% de la possession du ballon, donc 39,1% pour Montréal. 613 passes total pour New York ce soir pour un pourcentage d'efficacité de 86%. C'est 10% de plus que Montréal. Montréal, 76,3%. Donc, sur 100 passes, New York en a réussi 10 de plus. Et c'est ce qui a peut-être pu expliquer les moments de panique qu'il y a eu au début de match et qui a amené le but contre son camp de Rudy Camacho, mais qui a quand même été créé par le New York City FC. Et sur le jeu qui a amené le but de New York, plusieurs journalistes, dont Dave Lévesque et Jérémy Filosa, mentionnaient qu'il avait une main d'un joueur du New York City FC dans sa propre zone qui n'a pas été appelée par l'arbitre Nima Sagafi. On va parler plus tard de Nima, là. On va parler pas très longtemps parce que c'est tout ce qui mérite Sagafi, mais on va en discuter. Donc, cette main qui n'a pas été appelée a amené un but contre l'Impact, contre son camp. Mais l'Impact a bien répondu 10 minutes plus tard. Donc, je parlais 6 matchs sans victoire pour New York, 3 matchs invaincus pour Montréal, deuxième match de suite que l'Impact revient de l'arrière. Un autre moment important de ce match, et qui est, je pourrais vous expliquer par cette statistique, le nombre de duels gagnés par l'Impact, assez impressionnant, merci. L'Impact a gagné 63,9% des duels de ce match. Les duels, lorsque deux joueurs vont vers un ballon, lorsqu'un joueur défensif attaque le porteur de ballon, réussit à l'intercepter, 63,9% du temps, donc 64, plus que la moitié, vous passez avec 60. Bon, on va arrêter de parler de Mancosu puis de son 40%, là, on va en parler une autre fois. Je pense qu'on a assez parlé de Mancosu en 2018. Anthony Jackson-Hamel n'était pas disponible pour ce match, n'était pas dans le 18. Et Rémy Garde n'a seulement effectué qu'un changement, et c'était Quincy Americois pour Matteo Mancosu à la 74e minute. Mais pour ne pas blâmer seulement les attaquants, je dois vous rappeler que la défensive new-yorkaise et le travail de Maxi Morales et d'Alex Ring, qui travaillent dans la charnière centrale du milieu et de l'attaque, ont bien suffoqué le service à Americois et à Mancosu, je vous l'accorde. Mais le pourcentage de duels gagnés de l'Impact était pour moi impressionnant et est de bon augure pour les matchs qui s'en viennent. On va entendre dans quelques instants les commentaires de Rémy Garde, Daniel Lovitz. Daniel mentionnait aussi, lorsqu'il a posé la question, est-ce que ce résultat de 1-1 met plus de pression sur le match de la semaine prochaine à Washington contre DC United? Oui et non. Il n'était pas dans un état d'esprit, quand je dis l'équipe montréalaise, il n'était pas dans un état d'esprit qui disait autre chose que ce match est une victoire et rien d'autre. C'est le cas. Si Montréal veut se donner le plus grand nombre de chances possibles pour accéder aux séries éliminatoires, on parle d'un match de 6 points contre Washington. 3 points pour vous et 3 points que vous enlevez à un rival direct. Présentement, si vous regardez les possibilités au classement, l'Impact a un chiffre magique. Ce chiffre magique qui garantirait une place dans les séries éliminatoires pour l'Impact est de 14. Oui, l'Impact ne peut pas faire 14 points d'ici la fin de la saison. Ce n'est pas ce que ce chiffre magique veut dire. Ce chiffre magique veut dire une chose. 14 points total entre les points acquis par Montréal et les points échappés par un rival direct. Exemple. Montréal bat DC United la semaine prochaine. Par 3. Mettons l'Impact gagne à DC. Donc l'Impact fait 3 points. Donc le 14 tombe à 11. DC perd 3 points. Donc le 11 tombe à 8. L'Impact gagne contre Columbus. On tombe à 5. Columbus n'est pas inclus dans ce 14-là, mais ça pourrait marcher aussi. Donc on tombe à 5. Columbus n'a pas 3 points. L'Impact tombe à 2. Une autre victoire. Donc on parle de 3 victoires d'assurées. Trois victoires d'assurées mélangées avec une défaite de Columbus et DC United. L'Impact s'assure d'une place en série. Donc, c'est ce que ce chiffre magique veut dire. 14. Le nombre de points inscrits au calendrier pour l'Impact d'ici la fin de la saison, additionné du nombre de points manqués par les rivaux directs. Eh bien, les rivaux directs, ils vont en avoir quelques-uns. Les prochains matchs de l'Impact, on a DC United le 29 septembre à DC. Ensuite, l'Impact contre Columbus à la maison. Le 6 octobre, le 21 octobre contre TFC à la maison, et l'Impact termine sur la route contre le New England Revolution à Foxborough, en banlieue de Boston. Donc, on parlait du manque de précision des passes, du manque de précision de Piatti. Ce match-là aurait pu avoir toute autre histoire si, sur 5 tirs lancés par Nacho, 3 au lieu de 1 se retrouvent sur la cible. Oui, New York faisait tout en leur pouvoir pour empêcher Montréal et surtout Nacho d'effectuer des tirs aisément et surtout précisément. Mais c'est le travail de Nacho de bien trouver l'angle, de bien trouver l'opportunité, la chance d'effectuer ses tirs. Rémi Garde, comme vous allez entendre dans quelques instants, mentionnait un manque de précision, de chance, un jeu un petit peu plus égoïste. Il n'a pas utilisé le terme égoïste, mais il l'a utilisé. On a manqué des occasions de s'ouvrir, d'ouvrir le jeu, d'ouvrir un coéquipier qui aurait pu être libre et additionner ensemble ces chances manquées d'avoir créé une opportunité ont nullifié les bons travails de l'Impact. New York City FC est la troisième meilleure équipe dans l'Association de l'Est en 2018 et ils ont bien fait aussi. On doit souligner le gros travail défensif du milieu terrain de Taider, Piatti, Azira, ainsi que la défensive de Montréal, donc de Lovitz, Camacho, Fanny et Barry Carissagnan, pour limiter le nombre total de tirs du NYCFC à 6. Comme on mentionnait, ils avaient un très grand nombre de tirs lors de leur dernier match au but. Ce soir, limité à 6, et c'est dû en grande cause au travail exemplaire de la défensive et du milieu de terrain. Maintenant, nous allons écouter les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, M. Rémi Garde. Un peu surpris quand même, oui, je dois le dire. Même si on a tout fait pour les mettre dans les bonnes conditions. Mais c'est vrai que tous les deux ont contribué. Et ce soir, particulièrement Michael, puisqu'il a marqué. Et on sait qu'il est aussi très très utile dans d'autres tâches. Oui, donc pour répondre à votre question, agréablement surpris de la rapidité à laquelle ils se sont installés. Oui. New York a joué, je crois, un très bon match pour vous poser des difficultés. Mais de votre côté, est-ce que c'est pas l'imprécision qui a fait la différence avec beaucoup trop de tirs qui ont raté la cible ce soir? Oui, c'est sûr que New York a très bien joué, mais ça on le savait qu'ils étaient capables de monopoliser le ballon, d'autant plus que c'était la stratégie aujourd'hui de leur laisser, de défendre relativement bas ou en tout cas au milieu du terrain et d'essayer de contrer. Je crois que sur la deuxième période surtout, plus que de l'imprécision, je pense qu'on n'a pas fait les bons choix. Et qu'on a aussi effectivement perdu ces ballons qu'on arrivait à récupérer, on les a perdus trop vite. Donc évidemment, on n'a pas assez posé de problèmes et encore une fois, pas été assez judicieux dans nos choix dans la moitié de terrain adverse. Rémi, sans vouloir vous placer sur la sellette, quand David Villa a été blessé, sifflet très rapide de la part de l'officiel, une séquence quand même semblable sur Saphir, aucun sifflet, ça s'est poursuivi. Sentez-vous un certain deux poids, deux mesures dans l'arbitrage envers les vedettes internationales? Non, j'irai pas jusque-là. Et puis, je suis pas toujours peut-être très objectif sur la touche non plus. Mais j'en voulais pas à David Villa, qui, les joueurs, on a tous un peu le même réflexe quand on joue. J'en voulais effectivement sur le moment à l'arbitre, parce que je pense que c'était pas la bonne décision. Mais oui, il y a eu des situations, effectivement. C'est ce qui est le plus frustrant, en fait, avec l'arbitrage, c'est quand on sent que pas deux poids, deux mesures de manière régulière, mais quand deux situations similaires ne sont pas arbitrées de la même manière, c'est sûr que c'est pas toujours très agréable. Mais je ne vais pas me plaindre de l'arbitrage ce soir. Merci. avez touché un mot un peu en parlant précédemment, mais New York City, c'est une équipe qui a vu 58 tirs à ses deux derniers matchs. Ce soir, des habilités à 6. C'est quoi votre appréciation de ce côté-là du travail défensif? Oui, mais on avait, j'avais beaucoup insisté là-dessus et eux étaient aussi assez certains de pouvoir répéter cette situation en venant ici. Donc ça, c'est un bon point. Je pense que globalement, on a bien défendu sur ce match-là. Pas forcément sur le but non plus, mais voilà, une fois, ça peut arriver. Par contre, je pense que c'est plus offensivement et surtout en seconde période où je pense qu'on peut faire mieux et qu'on devra faire mieux les prochains matchs. Remy, just in English, I was just curious about your thoughts after today's result, the 1-1 draw. Obviously, you guys had a ton of chances. How are you and your guys feeling after this result? I think we had a little disappointment in the dressing room after the game, but also we know that I think it's a fair result, to be honest, because of course we had chances on the second half, but I don't think we play well enough to say that we should have won that game. Then we are disappointed, but all of all, you know, sometimes you have to take 1 point. It's much better than to lose the game. Many games we have lost in the first part of the season, and now we realize that we were not the same team, we had not the same spirit, but if we could have gained 1 or 2 points more, that would be very useful now. Remy, you have 4 games to go now. How do you feel the position you're in right now? We have our destiny in our hands, then which is very important, and we will have games to play, very, very important. Then we have to be ready for that. But I think we have experience in the team, experienced player. And I think we will have to debrief the game we play today, because I think that we were not at our best level in some occasion. Then the most important thing for me is to have our destiny in our hand. Je veux juste faire allusion à ce que vous m'avez un petit peu dit en anglais. Ce soir, vous avez un petit peu déçu malgré un bon verdict de 1-1. Toute une équipe que vous avez battu 3-0 le 11 juillet, ça a été une correction le 11 juillet, sans David Villa à l'époque. Donc aujourd'hui, vous en êtes quand même désappointé malgré tout la progression n'est pas complète. In English, maintenant. You want me to answer? Non. Ah, ok, d'accord, pardon. Évidemment, on a fait du chemin depuis le match aller, même si on se souvient que c'était, je crois, un match de milieu de semaine avec un turnover important pour nous. Donc, bien sûr qu'on a progressé. Je crois que ce soir, le résultat reflète malgré tout la partie, même si on a tiré beaucoup plus au but que notre adversaire, même si en deuxième période, encore une fois, il y a des situations offensives. On n'a pas fait forcément les bons choix. Et offensivement aussi, on a techniquement, je pense qu'on pourrait faire mieux. On a récupéré des ballons qu'on a reperdus trop vite. Et face à une bonne équipe comme ça qui conserve le ballon, quand vous arrivez à le récupérer, il ne faut pas tout le temps jouer en attaque rapide. Il faut essayer de se placer, de monter le bloc, de pouvoir travailler l'adversaire dans la moitié de terrain adverse. Et j'avoue que là, on a pas fait assez bien. Merci à Rémy Gard pour ses commentaires d'après-match après ce verdict nul de 1-1 entre l'Impact de Montréal et le New York City FC. Continuons avec les commentaires d'après-match. Comme je mentionnais plus tôt, il n'avait aucun joueur francophone disponible ce soir pour parler aux médias dans le vestiaire de l'Impact. Mais voici les commentaires anglophones de Daniel Lovitz et nous allons revenir pour traduire les propos les plus importants de ses commentaires. Yeah, I don't think either really deserved more. I thought it was a hard-fought game, but I think maybe the first half seemed a little bit more open in terms of chances that were being created and given up. But, you know, we're happy with it given the context of what we needed tonight. It wasn't, I guess it wasn't a must-win, but of course we wanted to win and we thought that we could have. But A point against a good team at home. We're in direct competition with them in the league. In the conference, I think it's important, and I think we can hold our heads high. Do you feel like it puts even more pressure on you to win that that game in, next week in D.C.? Yeah, of course. I don't think we're going there under any false pretenses about not having to win, but I think that, you know, not getting 3 points now certainly adds a little bit of pressure in that sense, because you want to win every game, and every game that you're not able to, you feel like the next one you have to win. But I think we've always looked at that following game, and that DC matchup is an exciting one, and it has awesome implications as of now, so we're really excited to go there and put in a good performance against a team that's been, you know, very good at home and has some exciting stuff going for them. So more than anything, we're just looking forward to competing against them, and we'll move forward. Quincy scored last week, Michael's first this week. Even Amir was saying that you might be a little bit surprised by their contribution so far. What's your thought on that? I'm not surprised at all. You know, I get to train with these guys every day. I know what they're capable of. They're guys that have been around the league for a while, and I think my first year, it was Azir's first year at Seattle, and I remember watching him and, you know, thinking he was a quality player, and I never thought I'd get to play with him, and now I do. So it's awesome. But no, definitely not surprised in any way. Quincy wreaks havoc when he's up top and creates a new dynamic for us that we've been able to benefit for a lot from. And I think last game was a great game for Quincy. This one was more quiet, and he had to go about his work and really some things off the ball that you don't see, but of course, Michael was able to step into the spotlight and deliver at a very important time, and I see him do it all the time, so I'm not very surprised, but it was great. It's great to for him to have the confidence in moving forward and adding that bit to his game. Do you think the fact that they were MLS players, they didn't have to adapt to the style like a European player? Yeah, 100%. I mean, credit to them, and not to discredit others that aren't from the league, and there's just a little bit of time you need to adjust. I think anyone that's been new to the league will tell you the same thing, whether it's a coach or a player. To have easily transferable guys such as those that have been around has been huge for us. It was a big year for us in terms of turnaround and who we were able to bring and what we're trying to be. They were added later in the season, of course, but they added really important maturity and experience within the league. And games like this, you know, I think in years past, maybe we wouldn't have been as comfortable in a game like this against a team like this. So it's a credit to them and the shift that they put in, and it kind of resonates throughout the team. Merci à Daniel Levitz pour ses commentaires d'après-match. Donc, pour résumer les commentaires en anglais de Daniel Levitz, on lui a demandé, est-ce que c'est un résultat qui est juste pour les deux équipes ce soir, 1-1. Il dit oui, c'est un résultat qui est juste. Aucune des deux équipes méritait vraiment mieux que ce 1-1. C'est un résultat juste pour les deux équipes. Un point contre une bonne équipe à la maison, on peut sortir de ce match la tête haute. Est-ce que ce résultat du match donne plus de pression au match contre DC United pour la semaine prochaine? Est-ce que ça met plus de pression sur les épaules de l'Impact lorsqu'on pense que ce match contre DC est maintenant une victoire nécessaire? Oui, évidemment, ça nous donne plus de pression pour gagner ce match, mais on n'avait aucune illusion avant même le match de ce soir que ce match serait extrêmement important. Ce match aura des implications directes sur le classement et nous avons juste hâte de compétitionner. Lorsqu'il a été questionné sur la contribution des nouveaux joueurs, des nouveaux arrivés, il a dit « Oui, je ne suis pas surpris. Je vois ce qu'ils font tous les jours à l'entraînement et c'est ce qu'ils font à l'entraînement. Ils démontrent leur talent et sont maintenant capables de le prouver durant les matchs. » Et ensuite, questionné par Alexis de la presse canadienne, encore une fois, est-ce que le fait que ces joueurs, dont on parle de Quincy Amariquan et de Michael Azira, arrivent directement de la MLS, est-ce que ça change un peu le temps d'ajustement? Et Daniel Levitz pour répondre, oui, absolument. Ça démontre qu'il n'y a aucune période d'ajustement. Ils sont capables de contribuer dès leur arrivée. Pas besoin de s'ajuster à la Ligue. Et lorsqu'il parlait de ça, il parlait des entraîneurs ou des joueurs. Et sans aucun manque de respect, qu'il a dit, pour les joueurs qui s'adaptent ou qui se sont adaptés, c'est une des choses importantes d'avoir des joueurs intra-MLS qui sont capables de contribuer lorsqu'ils sont échangés ou transitionner entre une équipe et une autre. Maintenant, écoutons les commentaires de Quincy Amariquois. Yep. Yeah, I mean, when you want to score more goals than the other team, unfortunately we didn't come away with the win, but I think this is a huge point that it hurts right now, but I think when we look back, we're going to be happy that we didn't drop any points in this game. Offensively, was it just the final, you feel like it's the final shot or the final pass that didn't work, or do you feel that there was more elsewhere that you could have done also as a team? I think collectively as a team, we defended very well, which is extremely important this late in the season. I think we're going to get opportunities, and that's really good. I'd be concerned if we didn't create opportunities, but I think we did. It's a matter of just finishing those off, and that will come. You know, I think the confidence in the guys is only growing, and we're really coming together around what we know we're capable of. Alors, merci à Quincy Amériquois pour ses commentaires d'après-match. Il mentionne que oui, évidemment, en tant que nouvel arrivant, c'est le fun de marquer, c'est le fun de voir un coéquipier comme Azira marquer. Le but du jeu, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. C'est dommage que ce soir, on n'a pas réussi à marquer plus de buts que l'adversaire, mais on est content de ne pas avoir perdu de points à la maison contre une bonne équipe. Il pense que collectivement, ils ont bien défendu ce soir. Ils vont avoir des opportunités. L'important, c'est de créer ces opportunités. Et la confiance en soi, la confiance en ses coéquipiers, ne fait que grandir. Et il est confiant qu'ils auront plus de chances d'être influencés, de marquer des buts d'ici la fin de la saison. Maintenant, le marqueur de ce soir pour l'Impact de Montréal, son premier but depuis la US Open Cup 2017 et son premier but en 2 ans en MLS, voici Michael Azira. Bonjour, bro. Michael, I guess this is all you've been waiting for a long time, right? Oh, yeah. It felt good. It just felt good, you know, just to score for Montreal. You know, just score my first goal for my club and for my teammates and for our fans. It's the best, you know. It's a good feeling to have your first goal like that. On New York City FC, so it's not bad. That's great. Were you surprised that the ball came your way, the way that Nacho flicked it to you? No, because the play, the way I did it, he has to play it back to me. And coach has been trying to tell us to play 1-2 touches, so I knew he was going to play it back to me. 1-1 draw is fair enough for both teams, right? We'll take a point, but you know, if you're always playing home, it's always good to get 3 points. I wish we got 3 points, but tonight we wanted to get a clean sheet. And it didn't happen, but at least we get a point, and we still keep we stay in the race for the point for the playoffs. So we have to keep on pushing. Montreal came back from behind the last 2 games. What does it say about the mentality and more the mindset of this team right now? I think we're getting better as players and mentally and physically, because we're a team that we're trying to be a team that keeps on fighting from the beginning till the end. No matter what happens through the game, we just say, you know, guys, let's stick to the plan and we're going to get this through. We saw a higher press from your part and from Samuel in the midfield today as well. Was this in any way, shape or form to counteract the amount of pressure New York can put on you? Yeah, because New York is a good team. So the game has moments when you have to press high and then sometimes when you have to sit deep. So if the ball is high and they're playing negative, so you have to press there. You have to get a little bit higher. But if they beat that press, then you have to drop and have sit in the block. So we talk a lot with Sam and Safi what we need to do to help the team out. And so in certain moments, we have to step up, and in certain moments, we have to sit back. Merci à Michael Azira pour ses commentaires d'après-match. Donc Michael mentionne que oui, ça faisait du bien. C'était plaisant de marquer pour ma nouvelle équipe, marquer pour Montréal, mon premier but pour le club, mon premier but pour les fans, pour mes coéquipiers. Ce fut un très bon moment. Lorsque questionné, il était surpris de voir cette passe de Ignacio Piatti revenir à lui sur ce jeu de 1-2. Il a dit non, du tout. De la façon dont j'ai envoyé le ballon à Nacho et avec ma course que je faisais, Nacho se devait de me redonner le ballon. L'entraîneur a mentionné plusieurs fois qu'ils veulent qu'on fasse plus de 1-2, de passes 1-2 et des passes plus rapides. Donc, je me doutais bien que le ballon revenait. Lorsque questionné si c'était quand même satisfaisant, ce match, ce résultat, ce match nul. Il a dit oui, oui, quand même. New York, c'est une bonne équipe. On voulait le jeu blanc ce soir. On ne l'a pas eu. Mais on a eu un point. Un point qui pourrait s'avérer important. Un point qu'on a bien gagné en défendant. Lorsque j'ai mentionné, j'ai demandé à Michael, ça fait deux matchs de suite que l'impact revient de l'arrière. Est-ce que ça démontre une certaine. Quelle mentalité ça démontre pour l'impact? Elle a dit. Notre mentalité s'en vient meilleure. Autant physiquement que mentalement, maintenant, on va keep on fighting. On va se battre jusqu'à la fin. On va se battre jusqu'à temps que le dernier sifflet arrive. Et un commentaire intéressant, il a dit qu'on va maintenant se tenir au plan. Même si on vient un goal, même si on tombe un but à l'arrière, on suit le plan de match, on suit le plan de match de l'entraîneur. Et pour moi, ça démontre un respect inconditionnel maintenant de la part des joueurs de l'Impact de Montréal envers l'entraîneur Rémi Garde. Lorsqu'il tire de l'arrière, les joueurs ont comme réflexe de suivre le plan de match de l'entraîneur en sachant que ce plan de match leur donne la meilleure chance de marquer et de revenir dans le match. C'est un peu ce que Michael mentionnait. Ensuite, je demandais à Michael, on a vu un pressing qui était un petit peu plus haut, un petit peu plus intensif sur le porteur de ballon. Est-ce que c'était pour limiter les chances de marquer de New York? Il dit oui. Surtout lorsque New York est une bonne équipe. New York a des très bons résultats. Peut-être pas dans les 5 derniers matchs, mais très bons résultats cette année. Marqué beaucoup de buts, ont beaucoup de tirs au but surtout. Il y a beaucoup de moments dans le match que faut empêcher ses passes, empêcher ces moments d'ouverture de jeu que l'équipe adverse peut créer. Et Saphir Taider, Samuel Piette et Michael Azira se parlent et ont parlé beaucoup avant le match pour s'assurer de savoir quoi faire ensemble pour donner les meilleures chances de gagner ou de faire un résultat pour l'équipe. J'espère que vous avez aimé l'émission ce soir. Prochain rendez-vous pour l'Impact de Montréal samedi prochain sur la route à Washington contre le DC United, le match de l'année. Le fameux match de 6 points de l'Impact de Montréal est samedi prochain. Selon moi, le gagnant de ce match, si gagnant il y a, et s'il n'y a pas de gagnant, ben l'Impact aura un match nul avec ce match et sera en meilleure position que le DC United. Oui, présentement, DC United a deux matchs en main contre l'Impact de Montréal. L'Impact de Montréal a 5 points d'avance contre le DC United. Et juste avant de terminer l'émission, justement, je m'en allais oublier, nous allons regarder les résultats aujourd'hui et surtout comment cela affecte le classement dans l'Association de l'Est. Rapidement, le LAFC a gagné 2-0 contre le terrible, les pauvres Quakes de San Jose. 2-0 LAFC. Les Red Bulls de New York 2, Toronto FC 0. Un gros 0 pour Toronto. Toronto ne fera pas les séries en 2018. C'est pas officiel, mais c'est officieux. Croyez-moi, Toronto ne sera pas de la danse de l'automne cette année. New York 2, Toronto 0. Atlanta United a pris une sérieuse option sur le bouclier des supporters, mieux connu sous le nom du Supporter Shield, qui est remis à la meilleure équipe de la saison régulière dans la MLS. Atlanta 2, Real Salt Lake 0. Et si vous voulez voir un but un petit peu cacophonique et assez drôle, regardez le deuxième but d'Atlanta United lorsque le ballon frappe le poteau, frappe l'arrière de la tête de Nick Romando et ensuite rentre dans le but désert de Real Salt Lake. Atlanta 2, RSL 0. Un match qui a des implications, peut-être, mais plus qui sonne le glas de New England, je crois. New England 2, Chicago 2. Donc, New England se retrouve avec un bon gouffre à traverser pour voir la sixième place devant eux. Columbus 2, Colorado 1. On peut pas se fier à Colorado. Hein? On peut pas demander grand-chose à Colorado. Colorado, c'est un peu... C'est un peu le Colorado de la MLS. Là, les rapides sont rendus pas mal à sec, puis il n'y a plus grand débit d'eau. Là. C'est pas mal ça. Je parlais avec le collègue Doug McIntyre de Yahoo Sports. On mentionnait sur la galerie de presse pendant le début du match. C'est qui les pires 4 équipes, mettons, de la Ligue? Ça serait quoi la pire situation à la 4e pire situation? Puis là, on a de la misère à penser entre San Jose, Colorado, Orlando et Chicago. Donc, si votre nom de ville finit par O, ben vous êtes dans le trouble. En 2018, Toronto aussi. Dans San Jose, les Quakes, ça finit pas par haut, mais c'est probablement la pire franchise dans la Ligue présentement. Suivi de très très près par Orlando, et de Colorado, et de Chicago, présentement dans la MLS. Ouais, c'est quatre franchises qui, mettons, ça va pas bien, comme on dirait, en bon français. Orlando, 0. Houston, Dynamo, 0. Un match qui passera pas à l'histoire, si vous l'avez écouté. J'espère que vous allez demander à Saint-Pierre qu'il vous redonne ces deux heures de votre vie parce que vous les avez perdus puis vous les avez gaspillés. 1-1, quand on parlait de l'Impact de Montréal contre les Indiens et CFC. Et le dernier match de la soirée, en ce samedi, Minnesota 3, Portland 2. Victoire surprise de Minnesota à la maison. Portland qui n'est pas présentement dans une bonne séquence, même s'ils ont connu beaucoup de succès plus tôt cette saison. Portland pourrait se retrouver dans le beau drap si Vancouver gagne demain à Dallas et Vancouver pourrait rapporter un certain espoir pour leurs partisans pour une possible participation aux séries éliminatoires. Match important à regarder demain si vous êtes fan de l'Impact de Montréal. Philadelphie, Sporting Kansas City à 1h demain après-midi, heure de l'Est. Kansas City voyage à Chester en Pennsylvanie. Et tous derrière le Sporting, SKC à la vie et surtout en espérant à la mort de Philadelphie. Ensuite, Vancouver contre FC Dallas à 7h demain soir à Vancouver au BC Place. Vancouver se doit d'avoir une victoire, mais ce ne sera pas facile contre l'équipe qui est au sommet de la division Ouest présentement, le FC Dallas. LA Galaxy, le terrible Galaxy, qui se retrouve dans un trou noir depuis quelques semaines, surtout avec la démission de Siggy Schmidt, les défaites à profusion. Oui, peut-être qu'ils attendent à marquer un beau but, mais ils ont quand même perdu 5-3. Et demain, ils affrontent les Sounders de Seattle à la maison. Seattle qui a perdu 1-0 en semaine contre Philadelphie. Philadelphie qui a fait une grande opération mercredi lorsqu'ils ont traversé le continent américain pour aller sur la côte ouest à Seattle pour arracher une victoire de 1-0, même s'ils ont subi un carton rouge, un but très tard de Jay Simpson de Philadelphie. Oui, vous avez bien compris, Jay Simpson a finalement marqué pour Philadelphie en 2018, qui donne un grand coussin pour Philadelphie durant cette bataille des séries éliminatoires. Seattle, qui voudrait venger cette défaite sur la route contre leurs voisins du sud du LA Galaxy. Maintenant, regardons le classement dans l'association de l'Est présentement. Atlanta United, premier dans l'Est, 63 points, suivi des Red Bulls de New York en deuxième position avec 59 points. Les deux équipes ont 30 matchs de jouer, donc 4 matchs qu'il reste. Un grand coussin entre Red Bull et le NYCFC, qui sont troisième avec 50 points en saison régulière présentement. Quatrième avec leur victoire ce soir contre Colorado. Columbus a maintenant 47 points avec 30 matchs de jouer. Philadelphie, 29 matchs à jouer présentement. Ils jouent leur 30e demain. Philadelphie qui a un calendrier quand même assez difficile d'ici la fin de la saison. Lorsqu'on ajoute aussi au calendrier le voyage à Houston pour la finale de la US Open Cup, qui est le championnat national, l'équivalent du championnat canadien pour les États-Unis, à 43 points pour Philadelphie. Montréal en 6e position, 3 points derrière l'Union avec 40 points. Montréal en 6e position qui est la dernière position qui donne accès à la danse de l'automne. La danse automnale. Donc en 6e position avec 40 points. 5 points derrière l'Impact, mais avec 2 matchs en main contre l'Impact. Un de ces matchs qui reste pour DC United est contre l'Impact. Donc avec une victoire de l'Impact, l'Impact pourrait augmenter leur avance sur le DC United à 8 points. Et à 8 points, l'Impact aurait l'avantage. Au moins, peut-être pas l'avantage, mais aurait la destinée entre leurs propres mains. Le match de l'année en conférence de l'Est pour cette bataille pour les séries éliminatoires est samedi prochain, 29 septembre. Montréal qui voyage à DC United, ce sera à ne pas manquer. Égal à DC United avec le nombre de points présentement et le New England Revolution avec leur match nul de ce soir. 29 matchs de jouer par exemple, 35 points aussi, donc 5 points derrière l'Impact de Montréal. Toronto est à 30 points, 10 points derrière l'Impact. C'est pas mal terminé. Le glas a sonné pour TFC, pour Chicago et pour Orlando, selon moi. New England, DC United, Montréal. 40 points, 35-35. Le premier bris d'égalité à MLS, ce n'est pas le différentiel, c'est le nombre de victoires. Et Montréal a l'avantage du nombre de victoires sur les rivaux directs qui sont en dessous d'eux. Donc, présentement, Montréal a 12 victoires, DC United en a 9 et New England en a 8. Lorsqu'on regarde le différentiel, par exemple, qui est le troisième bris d'égalité, c'est les buts pour, ensuite c'est le différentiel. Donc, Montréal est à moins 5 pour le différentiel. Pour le plaisir, Philadelphie est à moins 4 en 5e position. DC United a un différentiel égal, 48 buts pour, 48 buts contre. Et New England est à moins 2. Mais dû au nombre de victoires et à l'avance au nombre de victoires, Montréal a 3 victoires de plus que le DC United et 4 victoires de plus que le New England Revolution, Montréal aurait le premier bris d'égalité en cas d'égalité en fin de saison avec le DC United ou avec le New England Revolution, à part s'il y aurait un grand revirement de la situation et que DC United gagne 3 matchs ou New England en gagne 4. Connaissant New England, il y a des fortes chances que ça n'arrive pas. Et en connaissant DC United de leur calendrier rapproché, oui, facile et bourré de matchs à la maison, mais quand même, c'est pas quelque chose de facile pour n'importe quelle équipe à MLS de coller plusieurs résultats de suite. Encore une fois, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, @KevLaramé, mon compte personnel, @surtransversal, et suivre notre page Facebook où vous pouvez trouver la version en différé de notre émission en vidéo, facebook.com/sur-la-transversale. Je vous dis merci beaucoup pour votre temps, votre écoute, votre confiance, et jusqu'à la prochaine fois, comme c'est maintenant l'habitude, je vous souhaite bon soccer!